pas savoir si c'est pas mieux des faits profanes ou du quartier. Je me suis enfin décidé, à tout regard je suis entré dans une pièce et attendu que l'on vienne enfin me chercher. Les minutes me semblaient des heures, mon visage oui serait le soir. Ouais, le soir. De m'asseoir, me saisissant de ses mains expertes, très acharnées sur ma mâchoire.